L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. Et la dernière chronique du club de golf de Saint-Prime pour cette année avec son directeur général Gilles Larouche. Salut Gilles. Bon, Gilles, d'abord on va parler de la classique UH Clothing. On a parlé avec André Ouellet la semaine passée. Et comment ça a été finalement, comment on s'en est tiré? Ben, ce que je dois dire à prime abord, c'est que pour avoir discuté avec André, puis on en a parlé ensemble, moi, toi et André, la semaine dernière, c'est que la date, disons, n'était pas très appropriée pour ce type de tournoi, considérant que André disait surtout les joueurs de hockey qui sont en plein camp d'entraînement. Alors, les résultats ont été assez mitigés, dans le sens qu'environ 20 joueurs que André a réussi à recruter, et nous, on a comblé avec 28 autres. Nos attentes étaient de l'ordre de 100 à 144 joueurs, alors disons que l'écart nous donne le résultat. Ouais. Mais il faut dire que c'était une première et que l'an prochain, pour avoir fait une rétrospective avec André, on va regarder peut-être pour changer la date et améliorer. Ben, c'est clair. Comme améliorer la formule, il est trop bonheur pour en parler, j'imagine? Ben, au niveau de la formule, c'est clair, quand on parle d'inviter uniquement des exemples des joueurs de hockey, la proposition qui a été faite, c'est même de solliciter, comme on a fait nous lors du week-end golf, les équipes sportives. Okay. Par exemple, il y a plein de ligues de volleyball, il y a des ligues de curling, puis les gens aiment ça se retrouver, les sportifs, tout sport confondu. Okay. Alors à ce moment-là, c'est une formule qu'on doit regarder là, pour la... Un genre de tournoi, ça serait pas pire ça? Chaque organisme aurait sa propre équipe, puis l'équipe qui gagnerait, je sais pas, mon exemple, l'équipe de curling de Saint-Félicien, serait pas pire ça? Quelque chose de même, non? Ben moi, je trouve que ta suggestion est excellente. C'est une formule qu'on peut regarder. Nous, les formules sont ouvertes. Ce qu'il faut éviter, c'est de répéter toujours la même. Exemple, un 4 balles, meilleure balle, tu as des équipes de compétition des membres, puis non-compétition ou participation pour les non-membres. Alors, on peut... Ta suggestion, c'est clair que même je vais la retenir si André... parfois, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver l'an prochain. Ouais. Mais pour d'autres types de tournois, je trouve ça excellent, puis ça peut être envisageable. C'est un tournoi, un genre de tournoi de compétition, mais avec des organismes. Comme l'exemple, le club de curling de Saint-Félicien, le club de patinage de vitesse de Robert Vage. Ça, c'est des idées que je lance en l'air comme ça. Là. Effectivement, Danny, puis comme on s'est dit tout au long de l'année, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment démocratiser, ouvrir les portes, ouvrir les horizons, ouvrir les formules, puis celle que tu me ramènes, je la trouve tout à fait... OK. On va y aller maintenant avec... mais avant de parler du bilan, j'ai vu sur les médias sociaux, puis j'ai oublié de t'en parler la semaine passée. C'est-tu un membre qui vous a quitté il y a quelques temps? J'ai vu ça passer sur les médias sociaux, on sautait des sympathies, puis de la manière que vous parliez, c'était un membre du club de golf de Saint-Brime, c'est ça? Ben, en fait, c'est deux membres. Qui ont quitté dans la même semaine. OK. Monsieur Blair Murray, qui nous a quittés, était malade depuis un certain temps, on le savait. Et c'est un membre des premières années, un des membres quand on a ouvert dans les années 70, qui est décédé. Et quelques jours plus tard, Monsieur Roger Vizina, un autre membre peut-être des 20 dernières années, qui était malade également, qui nous ont quittés. Alors, la grande famille du club de golf de Saint-Prime, on a souhaité nos sympathies. Il était encore membre cette année? Non, il n'était plus membre cette année. Ça fait je dirais peut-être dans les deux cas, entre 3 et 4 ans, là, que ces gens-là, on savait qu'il y avait... OK. Bon, bilan de l'année. J'ai fait lui Delbeau, on dit que c'est une année difficile. Chibougamau, la pire depuis 20 ans. Saint-Prime, à quelque part, c'était tellement dynamique cette année. C'est sûr qu'il reste encore des parties de golf et ainsi de suite. C'est quoi le bilan du club de golf de Saint-Prime? À prime abord, un peu comme appuyer ce que tu viens de mentionner, au niveau de la fréquentation, nous, on a une augmentation. Une augmentation, disons qu'elle n'est pas significative. mais elle est quand même remarquable dans le sens que on a mesuré là, le nombre de joueurs journaliers quotidiens. J'ai pas les chiffres en face de moi là, mais ce que je peux dire, c'est environ 300 golfeurs qui ont passé de plus. La grande difficulté qu'on a eue, puis on s'en est parlé lors des dernières semaines, puis tous les clubs de golf, je crois, au Québec, ont vécu la même chose, c'est l'été, disons, la période de juillet, qui était un record, si ma mémoire est bonne, de 1946, avec 26 journées de pluie. Mm. L'incidence de tout ça, c'est qu'on a des grilles qui sont environ de 150 golfeurs, et ça cancelle le matin. C'est des pertes, je dirais, net quotidienne de plus de 2 000 $. Oh. Alors, si on fait le calcul de ces journées-là, combiné avec le début d'août, où est-ce que lui également était catastrophique, en somme, la période de vacances de l'été dernier, ça a été pour nous très difficile. On avait des chiffres, on a ouvert tôt, donc on avait une certaine avance au niveau budgétaire en avril. Disons que c'est clair, c'était bon, parce que l'année passée, on n'était pas clair. Le mois de mai, l'augmentation, mai et juin, la fréquentation était extraordinaire. On s'en allait vers une année record. Alors, il y a eu cette période-là. On a réussi à se réchapper quelque peu à compter de la mi-août. On a mesuré encore nos chiffres. Le mois de septembre, même s'il se termine aujourd'hui, a été excellent. Sauf que le dommage est fait. C'est clair que l'an dernier, on a eu un déficit assez important. Les études qu'on a fait faire, parce qu'on voulait voir vers quoi on se dirigeait dans les prochaines années, les études nous disaient que cette année, on se dirigeait vers un déficit de 70 000. Alors, d'ores et déjà, j'ai pas le bilan final, mais on devrait être en mesure de réduire ce déficit-là d'au moins la moitié. Okay. Mais avoir eu une année tout à fait normale, cette année, c'était un bilan positif au niveau budgétaire. Parce que septembre aussi, faut je le dire, septembre, c'est quand même... Oui, il a fait beau, oui, c'était plaisant, mais c'est pas pareil. Ben, il n'y a plus de vacances. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on a des bons week-ends. Durant la semaine, c'est des joueurs qui sont... c'est nos membres, quelques joueurs journaliers, mais disons que les gens travaillent. Effectivement. Mais par contre, ce que je peux mentionner... Cette année, puis je répète ce que j'ai entendu de nos membres, des gens de l'extérieur, et ce que je constate également, c'est qu'il y a un grand sentiment d'appartenance et de fierté qui est revenu au club de golf de Saint-Denis. OK. Ah, yeah. J'appuie ça là-dessus, Danny, sur en lien avec des travaux qu'on a démarrés il n'y a pas longtemps au développement de golf, modification de terrain. L'engouement de nos membres, le bénévolat, je peux dire là que c'est vraiment remarquable. On a des gens souriants, des gens qui sont vraiment là contents de venir jouer au golf, qui arrivent avec le sourire, et quittent avec le sourire. Ça, c'est notre mission. Ouais. Et moi, j'en suis très fier. Le bilan que j'en dresse au niveau financier, c'est pas à la hauteur de nos attentes. Sauf que ce que je peux dire, puis avoir au moins des idées à fait régulier, le meilleur est à venir. Ben, effectivement. Puis là, ben, j'imagine que toute la nouvelle équipe est là pour au moins pas rien qu'un an. Là. Et toi, tu vas être là pour au moins l'année prochaine. T'as-tu aimé ça, ton expérience? Moi, j'ai adoré. Ouais. J'ai travaillé avec, entre autres, Rémi Kertner, ouais, qui est un président, de façon, hors du commun. Jonathan Lambert, qui est une excellente ressource comme développement golf. Mais en plus de ça, j'ai eu le privilège d'avoir un conseil d'administration qui m'a appuyé dans toutes mes décisions, puis ce que je peux dire aussi mes folies, parce que j'ai participé à une promotion où est-ce j'avais pas carte blanche, mais pratiquement. Alors j'ai eu ce privilège-là, et d'autant plus que les employés qu'on a au Club de golf de Saint-Prime, on travaille avec des budgets qui sont vraiment restreints, réduits. On a 5 employés de terrain. Ces gens-là font des miracles. Et tous les employés, que ce soit au niveau de la boutique, au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau du bar, restaurant, on a travaillé avec des gens qui n'ont pas compté leurs heures, et c'est le sourire, c'est pas toujours évident, mais ils ont fait preuve d'un professionnalisme que je tiens à souligner. OK, je veux te parler maintenant sur le terrain, on a eu le droit, on en a parlé la semaine passée, Nathalie Curtness, C'est un record, finalement, record pour les femmes cette année. En quoi, sur les 13, le club a 42 ans. C'était un record chez les femmes avec une partie 67. Faut leur noter ça. Oui, effectivement, c'était la performance, disons, de l'année du côté féminin. Puis même à ça, au niveau historique, si on veut, du club de golf de Saint-Prime. On a eu plusieurs performances. Je les ai pas tous en mémoire. Je me souviens entre autres de Jonathan Lambert qui a régulièrement joué en bas de, mettons, 5 à 6 fois, là, ma mémoire, là, des fois, me fait défaut, en bas de 70. Les performances au niveau régional, à toutes les semaines au niveau des fildés, on avait des gagnants, que ce soit autant féminin que masculin. Disons qu'au niveau de la participation, c'est sûr qu'on a participé un peu plus, le dynamisme était là, mais c'était très bon pour nous au niveau de la visibilité, de voir nos gens, on les a vus dans les médias, les journaux, un petit peu partout sur les médias sociaux. Alors pour nous, là, c'est une belle carte de visibilité. OK, OK. Bon, ben ça fait pas mal le tour pour cette année. Gilles, moi, ce qui me fait, je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment adoré ta participation et la participation de Rémi aussi. Rémi, c'est sûr qu'à la fin, on le voyait plus, on l'entendait plus parce que le monsieur va à la chasse, c'est un chasseur, donc c'est toi qui as pris la relève. J'ai vraiment adoré collaborer cette année avec le club de golf de Saint-Prime, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de le refaire l'an prochain. Danny, de notre côté, j'ai parlé avec Rémi hier, notre président. Écoute, on te retourne les compliments. Tu étais quelqu'un facile à travailler, agréable, disponible, puis les questions étaient toujours à propos. Alors oui, longue vie à nous. Oui, effectivement. Voilà, donc c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.